Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Pour la coupure des vacances d'été, je vous propose de donner la parole à des experts des nouveaux récits pour questionner leur pouvoir et leurs effets sur la transformation de notre société. Cette interview avec Albin a été menée dans le cadre des soirées refuges qui sont organisées tous les mois pour la communauté des animatrices et animateurs des voyages en 2030 glorieuse afin que toutes et tous ensemble nous puissions nous améliorer dans notre capacité à déployer, développer, créer de nouveaux récits. Bonne écoute à vous. On est là avec la communauté des guides 2030 glorieuse qui est cette communauté grandissante qui permet au plus grand nombre de reprendre le pouvoir des imaginaires et d'utiliser l'utopie comme un nouveau pouvoir qui nous permettrait de dépasser le pouvoir d'achat et de repolitiser à la fois l'écologie du quotidien, mais surtout en fait tous ces nouveaux caps, ces nouvelles croissances qu'on a envie de voir dans les années à venir se déployer. Vous êtes porteur de toutes ces utopies, animateur de ces ateliers 2030 glorieuses, et donc on a envie de vous chérir, on a envie de vous nourrir, on a envie de faire en sorte que cette communauté, elle reste avant tout aussi défricheuse, éclaireuse de ces questions. Donc on a la chance de pouvoir comme ça solliciter des gens qui sont à l'avant-garde de ces questions-là, et Albin est le premier, donc on va échanger pendant 45 minutes, lui et moi. J'ai pas mal de questions que je lui ai préparées. Je vais pas m'étaler, je dis juste que je suis très très content et que c'est un vrai honneur, parce qu'en fait, les tribunes d'Albin dans l'Obs là, ces derniers temps ont pas mal fait de bruit, et puis c'est là au moment où je les ai découvertes. En tout cas, dans notre milieu, je dis ça, Albin, on les a échangés un peu comme des cadeaux en disant « Mais enfin, regarde, t'as vu, on voit dans des médias, on va dire plus mainstream, les choses que nous portons. » Et puis, en fait, j'ai découvert que tu étais aussi le cofondateur, mais tu vas nous le dire, le fondateur même peut-être de Malheur Actuel, que je suis depuis quelques temps déjà, bref. Donc, on est très content d'avoir ce premier échange, puisqu'avec Arthur, on s'est dit « Viens, chiche, on l'invite. » Et en plus, il a répondu. Albin, tu as écrit « Blablabla, en finir avec le bavardage climatique » qui a été publié aux éditions Le Robert en 2023. Mmh. Et donc, tu as toutes ces casquettes. Je pense que le mieux, c'est plutôt que de saccager ta biographie, c'est que tu l'assures. Et puis ensuite, on se lance sur cette question justement des 2030 glorieuses et pourquoi tu penses que nous manquons de rêves alternatifs. Allez, vas-y, à toi. Mmh. Donc, je m'appelle Albin Wagner, toujours. Alors, j'ai commencé par le fait d'être chercheur associé à l'université Rennes 2 et à l'INALCO à Paris. Ça, c'est pour le côté affiliation scientifique. J'enseigne un peu partout, à Saint-Jean-Jouarre, j'enseigne à l'université de Luxembourg, à celle de Nantes, au CIEP à Paris aussi. Et puis j'ai une activité en fait à côté de la recherche, qui est une activité d'expertise ou conseil, je ne sais pas jamais comment nommer ça, mais et où j'ai pu travailler avec la Fondation européenne pour le climat, par exemple. Donc je bosse avec des associations ou des entreprises d'ailleurs sur les thématiques de transition environnementale et d'études de communication ou de RSE aussi. Donc c'est une activité qui est assez diverse. Et effectivement, j'ai participé à la Fondation de Malheurs Actuels, donc avec un petit groupe qui est devenu un groupe plus important maintenant, de Joyeux Luron, et Joyeuse Luronne aussi d'ailleurs, et qui est un média parodique sur l'inaction climatique. L'idée était de faire une sorte de Gorafi vert à la base, hein, c'était vraiment ça le pari, et ça a pris assez rapidement, c'est assez marrant. Voilà, et donc effectivement, je m'ennuie facilement, donc j'essaie de m'occuper comme je peux, on va dire. C'est un peu ça l'idée. Et donc, tu t'occupes comme tu peux, notamment en rédigeant en ce moment assez régulièrement. J'ai l'impression que vous avez un deal là, avec l'Obs, des tribunes, celle qui t'a mis en particulier sous les projecteurs, sous le feu de la rampe, presque, j'allais dire. C'est celle justement où tu dis que nous manquons d'un rêve alternatif. Je te cite, hein, tu dis que la bifurcation écologique, elle ne pourra pas avoir lieu tant que nous n'aurons pas compris que la question n'est pas véritablement scientifique, mais d'abord profondément culturelle. Ce qui veut dire qu'on est très content d'avoir des Jean-Marc Jancovici sur France Inter, mais en réalité, c'est loin d'être suffisant, c'est ça? Ouais, bien sûr. Ben, en fait, il faut des sciences dures, il faut des sciences de l'ingénieur, c'est évident, et on en a besoin à la fois pour analyser, avoir tous les bons indicateurs pour comprendre ce qui se passe et l'urgence, le degré de l'urgence, et puis avoir des gens qui vont pouvoir travailler aux solutions. Parce que même si je suis pas un technosolutionniste chevronné, il se trouve qu'il va falloir aussi des solutions techniques pour tenter d'endiguer ou trouver des fonctionnements alternatifs. Mais force est de constater que les chiffres ne suffisent pas, puisque ça fait des dizaines d'années que le GIEC publie abondamment, que les travaux scientifiques dans le monde entier avancent, nous montrent l'étendue des désastres, pas du désastre, mais des désastres, et qu'à chaque fois, ben là, par exemple, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, mais on a c'était hier, et là, cette étude qui montre que finalement, il n'y aura plus de banquise en Arctique dès l'été 2030. Enfin, à chaque fois qu'une étude sort, en fait, c'est pire que ce qu'on pensait. Donc, ça se trouve, ce sera 2025 ou 2026. Youpi. Effectivement, on a tous ces chiffres. Hélas, malgré ces données froides, ça me fait genou avec l'Arctique d'ailleurs, malgré ces données, on a du mal à se bouger, en fait. Ou alors, on se bouge. Enfin, là, en l'occurrence, cette communauté-là se bouge. Il y a plein de gens qui font plein de choses. Mais du point de vue plutôt ambitieux politique, ou à des niveaux industriels, on a du mal à le faire. Alors, il y a plusieurs explications pour moi, en fait, mais effectivement, l'un des paramètres essentiels pour moi, c'est qu'on n'a pas pris l'ampleur du fait que la transition écologique n'est pas simplement, en fait, une transition technique, mais une transition comportementale en réalité, et donc qui dit comportement dit culture. Et là, c'est au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire que on vit tous dans des communautés, des sociétés qui ont des fonctionnements, des habitudes, et on est attaché à nos habitudes culturelles aussi. Et le plus difficile, c'est que le défi pour nous toutes et tous là, c'est qu'il va falloir modifier, qu'il faut en fait modifier considérablement nos habitudes et nos modes de vie. Et donc ça, c'est typiquement un changement culturel au sens où, pour celles et ceux qui ont la chance d'aller vivre à l'étranger un petit peu, même de manière brève, il y a toujours ce petit moment où au début on est content de faire des choses nouvelles parce que c'est tout nouveau, donc c'est forcément génial, c'est séduisant. Et il y a des moments où on a des chocs culturels où on se dit en fait c'est pas moi, c'est pas mon monde, etc. Et ben on est là-dedans actuellement, et je pense que c'est vraiment l'enjeu principal. Pour moi, c'est la transition, elle est anthropologique, donc culturelle, donc aussi identitaire quelque part. Et c'est tous ces jeux-là qu'on n'a pas pris en considération. Et c'est là que les sciences humaines ont un rôle à jouer, justement. J'ai l'impression que ce que tu dis là, ça s'est particulièrement illustré cet hiver, au moment où on nous a dit attention, on va peut-être pas passer l'hiver au niveau énergétique, il y a cette sobriété qui doit s'imposer à nous, et on a pris la sobriété non pas comme un moyen d'ouvrir autre chose, mais comme une fin. Et ma métaphore un peu bancale, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. C'est un peu comme si on avait dit, bah en fait voilà, la personne arrive chez le médecin, elle est effectivement en surpoids, et on lui dit bah soit vous devez perdre du poids, et alors s'applique toute la logique implacable. Watchers, on compte chacune des calories, on se fait livrer chez nous des barquettes qui sont millimétriées, suremballées, et on nourrit le capitalisme mondialisé pendant des années et des années où chaque repas est une bagarre. Ou en réalité, on nous dit, et malheureusement, c'est pas ce qu'on a fait, plutôt que de attention monsieur, il faut perdre du poids, on nous dirait en fait super monsieur, c'est une magnifique opportunité pour vivre mieux. Et alors là, on se rapprocherait, je ne sais pas, de son AMAP, on pourrait manger local et de saison, on réapprendrait à faire à manger, du coup, ce serait beaucoup moins industrialisé, processé, transformé, ça nous permettrait de manger en conscience, ça nous permettrait de rencontrer des gens, ça nous permettrait, du coup, en fait, de beaucoup plus naturellement aller vers ce vivre mieux qui induirait une perte de poids. Et j'ai l'impression que malheureusement, on reste sur cette logique Weight Watchers, c'est de ça dont tu parles, toi, dans ton C'est livre, qu'on intéressant ce que a tu pas dis de rêve parce que alternatif. j'allais dire, il faudrait une troisième voie parmi pendant ce que tu proposes, parce que, alors je suis linguiste, désolé, analyste de discours, c'est ça mon profil scientifique à la base. Et donc forcément, quand tu me parles d'opportunité, forcément je relie ça à tout le lexique en fait capitaliste. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, on est un peu piégé et il faut aussi qu'on invente de nouveaux termes. Mais ce que tu dis est assez, enfin je trouve ton exemple hyper éclairant parce que je vais rebondir avec un exemple identique, enfin analogue en tout cas, celui de la clope par exemple. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont fumé ici, voilà, moi ça m'est arrivé. Alors, c'est pas un atelier des tabagistes anonymes, hein, mais. Et la difficulté quand on a du mal à arrêter de fumer, ou arrêter de manger, ou arrêter de boire, hein, toutes les addictions fonctionnent un peu du même mode, c'est que les chiffres, on les connaît. C'est-à-dire qu'on sait que fumer, c'est mauvais, ça multiplie les risques de cancer du poumon, etc. etc. Donc ça, on le fait, et pourtant, on continue de fumer. Et quand on arrête de fumer, c'est pas parce qu'un médecin vous a dit il va falloir penser à arrêter, sauf cas extrême où on est, hélas, pris dans une maladie grave. En général, quand on arrête de fumer, c'est un événement dans notre vie, un état d'esprit, un truc, une étincelle qui a fait qu'on arrête. Et c'est pas rationnel. Et c'est très expérientiel. Et précisément, il est là le problème. C'est que ce que l'exemple que tu utilises, il est juste parce que, en fait, c'est un phénomène d'addiction. Il y a eu un ouvrage récent de philosophe Paul B. Preciado que j'aime bien parce que il explique dans cet ouvrage, dont j'ai oublié le titre évidemment, que en fait le système dans lequel on est, hein, globalement, il dit souvent on le lie avec des idées de domination, une classe contre une autre, voilà. Et en fait, si c'était vraiment un système de domination avec des gens oppressés et des gens oppressants, si c'était ressenti comme tel, il y a longtemps que ce serait foutu par terre. Il y a longtemps qu'il y aurait une véritable révolte, parce qu'en fait, c'est insupportable l'oppression sur la vie, tous les jours dans sa chair, etc. C'est insupportable. Il dit le système dans lequel on vit est en réalité un système d'addiction, qui est évidemment programmé, mais auquel on contribue tous, c'est-à-dire, quel que soit notre niveau de vie, quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre position dans la société, on est accro au système. On est accro, pas simplement du point de vue des énergies fossiles, on est accro aux énergies fossiles globalement, ça c'est un fait. Mais on y est accro parce qu'on fait tous des écarts. Personne ici n'est parfait, ni moi ni vous, et c'est tant mieux, j'allais dire. On s'octroie des écarts parce qu'on a besoin de moments de respiration. On se dit, oh, c'est pas grave, je fais attention pour tout, je veux bien m'octroyer en fait cet écart-là. Et on est dans cette logique d'addiction en réalité. Et là, alors, j'ai pas la solution. Il me semblerait intéressant d'aller travailler sur des notions en addictologie et voir s'il y a des choses analogues, enfin des choses à transposer, parce que je pense que pour moi, c'est un des prismes essentiels pour comprendre ce qui se passe. Ça explique pourquoi les chiffres qu'on a, ben, on les applique pas. On les connaît, on sait que c'est mal, mais bon, voilà. Ça explique pourquoi, en fait, bon, des fois, on n'a pas de solution aussi. Hein. Je pense à tous les gens qui circulent en zone périphérique, mal desservis en transport en commun, dans les petites villes, et qui sont obligés de prendre la bagnole, par exemple. Hein. Ça arrive aussi. Mais il y a aussi des moments où on pourrait faire plus, on pourrait faire mieux, mais dans cette logique, en fait, d'effort, précisément, le problème de la logique de l'effort, c'est qu'il y a des moments où on va avoir des craquages aussi. Tout ça, c'est hyper humain, en fait. C'est hyper anthropologique, c'est hyper... on pourrait penser aussi à la sociologie, à la psychologie, en réalité. Et je pense que, justement, le cas de la personne en surpoids qui vient consulter, etc., où le médecin lui dit « c'est pas bien, il faut perdre du poids », ben en fait, on le sait que c'est pas bien. Et le médecin, des fois, il veut participer en plus à des logiques où on va se sentir en plus humilié ou honteux de ne pas avoir fait assez d'efforts, etc., etc. Tout ça est extrêmement complexe. À mon avis, on tient là une des clés de lecture et de compréhension pour justement travailler sur la question de nouveaux récits, essayer de se détricoter de l'ancien et donc se sevrer en fait du récit actuel. Et dans la logique de sevrage, il y a des moments où c'est très dur, des moments où c'est très violent, des moments où on va mieux, puis on rechute, etc. Je pense qu'on est vraiment dans cette logique-là, collectivement, à des degrés divers en fonction de qui on est, d'où on en est. Et je pense que ça demande aussi d'avoir pas mal d'empathie vis-à-vis des gens autour de nous, parce que on a cette... Je disais, je parle beaucoup, mais c'est le but, donc je profite. On a dans moi, ce que j'appelle aussi ce marché de la vertu, parce que c'est encore une logique très individualiste, très néolibérale et capitaliste, où on va, quand on est engagé sur le terrain des comportements vertueux, individuels, ou dans le foyer, ou familial, se dire, ben, moi, je fais ça, et on va se comparer avec ses copains, ou ses cousins, ou son membre de sa famille, en disant, mais toi, tu fais quoi comme effort? Et on va avoir tendance, parfois, à se mesurer, ou pas forcément à le dire, mais à se dire, entre nous, dis donc... t'as vu, il pourrait faire quand même attention, etc. Et donc, en fait, on continue cette logique de compétition, qui, à mon avis, pas la bonne, parce qu'en fait, on ne fait que reproduire toute la logique de compétition capitaliste, justement, mais à échelle plus réduite, individuelle. Et c'est précisément ce vers quoi on essaie de nous pousser, en nous disant, ben, en fait, ce qu'il faut, c'est que les individus se changent. Et en fait, c'est très difficile de laisser les gens tout seuls, avec leurs peurs, leurs angoisses, leurs espoirs, leur capacité à changer ou pas, leur porte-monnaie, leur situation de santé, parce qu'il y a aussi des personnes en situation de handicap pour qui c'est plus difficile. Y a tout ça qui fait que on est un peu livré à nous-mêmes, alors qu'on attendrait justement des choses un peu plus ambitieuses du point de vue politique. Et aussi parce que, et moi j'ai foi là-dedans, malgré toutes les limites que ça peut avoir, enfin, on a besoin que tous les acteurs en fait s'y mettent. Et c'est valable aussi pour les entreprises. Je pense que les acteurs privés, alors il y a les groupes industriels, etc., type Total, bon, ça c'est un autre problème, mais je pense que les acteurs privés, enfin, dans les entreprises, il y a plusieurs niveaux. Entre la TPE et PME qui embauchent 5 personnes et les grands groupes qui en embauchent 2000 ou 3000, c'est pas la même échelle. Et c'est pas les mêmes problématiques non plus. Donc il faut que tout le monde puisse s'y mettre, quel que soit le degré de collectif et quelle que soit sa nature. Et je pense que, comme on est tous accros, il faut que chacun fasse un effort pour qu'on se sèvre collectivement, quoi. Et c'est évidemment très compliqué, puisque, pardon, j'en termine, les parties prenantes, les partis politiques, les gouvernements et les industriels sont en fait les principaux fournisseurs de drogue, en réalité. Et pourtant, et du coup, c'est aux fournisseurs d'arrêter de fournir, aussi, et de trouver des alternatives pour sevrer. Donc, on est dans cette logique-là, je pense qu'elle est vraiment... à mon avis, il ne faut pas perdre ça de vue, justement, pour essayer de construire des nouveaux récits. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, et qu'on n'a malheureusement pas encore assez traité. J'en ai profité de ta réponse pour regarder donc le livre de Paul B. Preciado, c'est Dysphoria Mundi, qui est sorti en 2020. C'est ça, exactement, c'est celui-là. J'aimerais bien rester sur cette notion d'addiction, parce qu'effectivement, si on doit avoir conscience de l'addiction dans laquelle on est tous et toutes, et tout à l'heure en off, avant de commencer cette intervention, cet échange, je disais que ma petite dose de capitalisme encore, ou en tout cas la chose où j'arrivais encore pas à transiger, à m'en détacher totalement, c'était les playoffs de NBA que je regarde 2h du matin, là, et à coups de millions de dollars, un peu fou de se dire ça. Est-ce qu'on doit quitter une addiction et cette addiction sera forcément remplacée par une autre addiction? Nous, on a quand même l'impression que quand on organise ces voyages en 2030 glorieuses, on propose, ça fait un peu New Age, pardon, de le dire comme ça, mais une certaine capacité de se libérer, de s'auto-déterminer et finalement de reprendre un peu le contrôle sur les boussoles qu'on a envie de suivre. Même si on est des animaux sociaux et même si c'est sûr que la communauté est primordiale et on ne peut pas s'en détacher. En fait, c'est intéressant parce que la question, c'est pourquoi est-ce qu'on est... Enfin, quand on a des addictions, au tabac, au chocolat, j'en sais rien, on a tous des petites addictions. Pourquoi? D'abord, parce que ce sont souvent des choses qui nous rassurent. Premier élément, c'est très important, le fait de se sentir rassuré. Or, on est dans un monde qui va tout chambouler, qui chamboule déjà tout, donc ça fout de l'angoisse, ça, c'est pas rassurant. Donc, on se replie sur ce qui nous rassure. Là, il y a une espèce de cercle vicieux. Or, c'est ce qui nous rassure qui nourrit ce qui va nous angoisser, donc c'est très compliqué. Deuxième élément, pourquoi est-ce qu'on va vers des choses qui nous rendent accro? Parce qu'il y a la dimension de plaisir. Elle est fondamentale. Et je pense effectivement que dans cette notion de récit à construire, la dimension de plaisir, elle est importante si on veut embarquer tout le monde. Je prends un exemple. Dans le bouquin, dans Blablabla, je travaille ce que moi j'appelle la bouffe politique. Donc le fait de faire de la politique avec la bouffe, donc la gastronomie, le terroir, ce que vous voulez. En France, c'est très symptomatique en général. Des paniques morales qui vont circuler sur... telle mairie qui impose un menu végétarien, telle autre qui interdit le foie gras lors des repas de Noël, etc. Bon, bref. Et donc, il y a tous les milieux conservateurs qui vont s'insurger contre ça. Pourquoi? Parce que, en fait, la notion de plaisir et de se nourrir, évidemment, elles sont vraiment indissociables. Et ce sont des choses qui sont très importantes parce que la nourriture, ça cimente les sociétés, ça cimente les familles. Il y a la transmission de savoir avec les plats, les recettes qu'on va se transmettre. Il y a le fait d'avoir le goût. Enfin, tout ça, c'est très, très important. Et souvent, les contempteurs de l'écologie, enfin ceux qui sont en tout cas contre l'action climatique ou qui souhaitent la limiter au maximum, ne pas trop changer les comportements, vont dire, mais pour la nourriture notamment, vont dire, ben oui, mais en fait, les écolos, ils nous font chier, ils mangent que des graines, c'est chiant, enfin, les légumes, c'est pénible, avec cet imaginaire du régime, justement, pour rebondir. Donc, quelque chose de très contraignant. Et on a l'impression, quand on le dit, pas mal de commentaires, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire, en fait, étudier des corpus, que le plaisir est du côté des viandards, en fait, des bons vivants, donc il y aura des mauvais vivants, des bons vivants, et donc de ceux qui, en fait, croquent la vie à pleines dents, si j'ose dire. Et donc, cette dimension de plaisir, il faut la faire basculer du côté écologique, écologiste, dépend du terme, et c'est pas évident, parce que justement, il faut recréer des sources de plaisir alternatives, et dire, mais en fait, regardez, alors, il y a d'ailleurs, sur justement la cuisine, puisque on peut rester dessus, Il y a des choses qui se font. Il y a des influenceurs qui justement vont montrer des recettes très colorées, très agréables. On se dit, mais j'ai envie de tenter à la maison, c'est génial, etc. Ça, par l'exemple, on transmet du plaisir. Puis même, dans un pays gastronome comme la France, il y a des chefs de plus en plus qui vont sur le végétal, donc qui gagnent des étoiles avec ça, qui gagnent des distinctions avec ça. Donc ça vient petit à petit. On voit bien que ça demande de changer de culture, puisqu'il n'y a rien de plus culturel que la nourriture. Et ça veut dire que derrière, voilà, ça prend du temps. Donc on a des capacités à le faire, mais ça montre aussi que la dimension de plaisir, mon deuxième élément avec l'addiction, la dimension de plaisir, elle est capitale pour construire de nouveaux récits. Il faut embarquer. Alors c'est difficile de rendre désirable et plaisant un horizon sombre, parce qu'en fait, concrètement, c'est quand même. Enfin, il y a plein de choses qui vont être un petit peu pénibles à l'avenir. Ou maintenant déjà, puisque devant les images de New York, en fait, sous les feux de forêt canadiens, c'est quand même assez ouf. Mais malgré tout, il faut pouvoir se dire, OK, malgré ça, parce que c'est un état de fait, on n'y échappera pas, qu'il y a des éléments sur lesquels on ne peut plus agir, mais on peut limiter. Et il faut, dans tout ça, donner envie de poursuivre les efforts en disant, mais ces efforts, en fait, ils sont aussi plaisants. La preuve, d'ailleurs, souvent, ça crée des collectifs qui passent des bons moments ensemble. Ça, c'est quand même quelque chose de non négligeable. Donc, c'est aussi comme ça qu'on fait culture. C'est collectivement. Et puis, c'est plein d'exemples qu'on va pouvoir en fait redécliner. C'est aussi redonner à mes yeux des collectivités, enfin des communautés locales aussi beaucoup. Bon, il y a plein d'exemples intéressants. Mais la dimension de plaisir, il faut vraiment l'embarquer pour être encore plus efficace et embarquer encore plus de monde vers tout ce qui reste à faire, quoi. Et ça, c'est vraiment capital pour moi. Ouais, c'est pour ça que nous, on utilise cette idée de 2030 glorieuses, au-delà d'essayer de réécrire aussi un peu l'histoire et de dépasser les 30 glorieuses qui ont, elles, été dopées au pétrole, à la surconsommation et qui mettaient ces boussoles de compétition dont tu parlais, un peu aussi érigées en totem, en symbole. Je pense que les 2030 glorieuses, ça peut être aussi la question très cyclique finalement de notre histoire, de comment on veut potentiellement... aborder ces nouvelles abondances si on les décide et si on se les autorise, ce qui fait que en réalité, tu le disais, on a nos dealers qui sont les dirigeants notamment politiques. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on doit un peu devenir nous-mêmes nos propres dealers ou décider d'être des dealers d'une certaine manière et donc oser beaucoup plus se positionner sur le terrain politique? Tu as fait cette tribune où tu disais que bah, justement le danger c'était de faire que l'écologie devienne la politique. Nous, on nous critique assez peu, mais finalement, c'est quand même une rengaine qui revient un peu souvent, de dire attention, parce que dans les 2030 glorieuses, il y a quand même beaucoup de remarques qui sont politiques, qui sont clivées, qui sont marquées politiquement, idéologiquement. Et on l'assume et on en est très content, parce qu'en fait, c'est dans le parcours de la conversation 2030 glorieuses, une des notions centrales, c'est d'aborder la question des croissances, la question des réussites, et ça, c'est une question qui est éminemment politique. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus, toi? Moi, je pense qu'on ne peut pas faire d'écologie sans faire de politique. C'est illusoire de penser que c'est juste un pays de bisounours. C'est que faire de l'écologie face à l'urgence climatique, ça veut dire changer un système économique, changer un système social, changer un système culturel, changer les habitudes quotidiennes, changer les habitudes économiques. Enfin, donc, c'est un projet politique. C'est un projet intégral, puisqu'il s'agit de changer toutes les dimensions, enfin en tout cas d'influencer toutes les dimensions et en faire quelque chose de vertueux, donc c'est de la politique. Alors, je ne crois pas à l'écologie apolitique ou transpartisane en tout cas, puisque, à mon avis, le fait que tous les partis s'occupent d'écologie, c'est tant mieux que ces questions leur soient posées, mais il y a quand même des partis qui vont faire de l'écologie en prenant appui sur des règles qui justement nourrissent le système dans lequel on vit. Donc c'est quand même très compliqué, quoi. Qui vont en fait faire de l'écologie sans remettre en question tous les systèmes de domination et d'exploitation, d'extractivisme. Bon, il y a tout un et en fait, on ne peut pas faire d'écologie en s'attaquant uniquement aux conséquences de l'urgence climatique. Il faut une écologie qui s'attaque aux causes. Et s'attaquer aux causes, c'est indubitablement et de manière incontournable s'attaquer à la racine. Et la racine, c'est le système économique capitaliste et néolibéral dans lequel on baigne, donc qui pose problème. Et donc il faut inventer un nouveau système, déjà, il faut le construire, il faut le mettre en œuvre. Et puis en plus, il faut tenter de trouver des mots différents. Puisque le problème, c'est que pour l'instant, on tourne toujours autour du lexique du capitalisme, donc il continue à monopoliser la pensée. Quand on parle de décroissance, ben, en fait, on fait que parler de croissance. En réalité. Et on sait que le cerveau, du point de vue du langage, ça c'est le grand classique en fait en linguistique développementale, c'est que quand chez les enfants, chez les adultes, si je vous dis Ne pense pas à un éléphant. Forcément, vous allez penser à un éléphant. C'est trop tard, l'image dans votre tête. Donc, la négation arrive après. Le cerveau, il ne sait pas traiter la négation. Il traite d'abord l'idée principale. Quand on dit décroissance, donc on va penser, ah oui, croissance, mais plus de croissance. Donc, c'est hyper négatif. Et comme, en fait, toute l'idéologie du système dans lequel on est a tout misé sur la croissance, enfin, ce genre de choses, donc d'abondance, etc. Parler de sobriété, ça donne l'impression d'une privation. D'accord? Donc, il faut bien voir d'où on part. Et quand on comprend d'où on part, on comprend que les termes utilisés, ben, souvent sont construits par rapport à d'où on part, et donc vont donner l'impression finalement. Alors, je ne jette pas la pierre, hein, c'est un combat de chaque instant, et il faut être hyper créatif. Et ce n'est pas forcément évident du tout. Puisqu'on baigne là-dedans, en fait, hein, c'est le système dans lequel on vit. Mais pour l'instant, on a l'impression effectivement que les termes qu'on a choisis, qu'on construit, qu'on essaie de mettre en œuvre, bah, ils viennent déjà de ce système-là, en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'idéologie, elle est partout. Et même quand on veut construire une contre-idéologie, bah, on est obligé de s'appuyer sur l'idéologie dans laquelle on est pour aller contre. Et voilà. Toute la difficulté, ça va être aussi d'être créatif et de s'émanciper jusqu'au bout, en fait, jusqu'à la création lexicale, donc, jusqu'au concept de cette chose-là. C'est pas évident, hein, je veux dire. Mais pour moi, c'est aussi un des éléments à avoir en ligne de mire pour construire quelque chose de vertueux. C'est jusqu'aux mots qu'on va utiliser, trouver des termes qui vont dire autre chose, proposer des nouveaux imaginaires, et des imaginaires qu'on peut considérer comme positifs, vertueux, agréables, plaisants. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ouais, d'autant que le mot croissance, aujourd'hui, quand il est utilisé, immédiatement, on a l'idée de croissance économique. Ça vient avec, c'est obligatoire maintenant. Et en plus, derrière, c'est caché, mais en réalité, c'est bien là. C'est croissance économique illimitée, puisque nous Bien sommes dans sûr. cet état de croissance qui serait supposément illimité et qui n'aurait pas de fin, alors que pour toutes les raisons qu'on connaît, techniques et pas que, on a aucun intérêt à continuer avec cette croissance économique illimitée. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça vaut le coup de combattre pour ce mot de croissance et de proposer d'autres croissances, parce qu'en réalité, notre état, là, en 2023, est tellement peuplé de misère, de désert même, j'allais dire, dans plein de moments de nos vies, et de nos villes et de nos États, qu'en réalité, on pourrait avoir plein d'autres croissances, hein. Sébastien, tout à l'heure, en introduction, quand on faisait le tour, nous parlait des migrants, on pourrait avoir de la croissance de solidarité, de la croissance d'entraide, de la croissance de bienveillance. On parlait de joie, on pourrait ensuite ouvrir la fenêtre de malheur actuel, on pourrait parler de croissance d'humour, de croissance de parodie, de croissance de tout un truc, hein, en réalité. Mais aussi peut-être que l'envie de reparler de croissance, ça voudrait aussi nous donner la possibilité de parler de jusqu'où doit aller cette croissance, si elle doit plafonner, s'arrêter, et pourquoi. Je pense que ça, c'est des questions qui seraient hyper intéressantes. J'ai deux dernières questions pour toi, Alma. Ma première des deux dernières, c'est que j'y ai cru, moi, je dois avouer, qu'en 2022, on allait avoir il me semblait que le paysage était tellement désert en termes de propositions enthousiasmantes au niveau politique que je pensais qu'on allait avoir un récit qui allait l'emporter, un récit joyeux, un récit solidaire, un récit durable, un récit enthousiasmant en tout cas. Et je me rends compte que malheureusement, là où on aurait pu se dire qu'il y avait tout un tas d'essais qui avaient été réalisés avec les municipales, bah en fait, pour la métaphore rugbystique, l'essai, il n'a pas été transformé puisqu'on n'a pas réussi à avoir cet élan qui s'est concrétisé au niveau national. Est-ce que j'ai eu tort d'y croire? Est-ce que finalement, ça n'arrivera jamais? Et est-ce que en réalité, en fait, tous ces récits, ils n'existeront pas au niveau national parce que l'échelle humaine est trop grande et finalement, ce qu'on voit là, avec tout un tas de tentatives très localisées, très géolocalisées, c'est pas cette permaculture un peu des nouveaux mondes qui est obligatoire après tout. Ouais, faut jamais dire jamais d'abord. La vie politique fait qu'il y a toujours des Est-ce choses qu'on a qui vraiment font envie que. d'avoir cette héroïsation perpétuelle et même C'est si c'est ça. pour des valeurs qui nous intéressent, est-ce Et qu'en puis, fait... est-ce que c'est le seul sujet pour lequel on vote? Le problème, c'est que le climat est traité comme un sujet parmi tant d'autres, parmi la culture, parmi le chômage, parmi l'immigration, la sécurité, j'en sais rien, que sais-je encore, mais. Et donc, c'est pas le sujet englobant, c'est pas le sujet total, alors que ça devrait l'être, puisque c'est le sujet qui concerne tout et qui va tout conditionner. C'est pas traité comme ça par la vie politique, ni par la vie médiatique d'ailleurs, enfin, pas toujours. Donc, on a effectivement là-dessus des difficultés. Maintenant, ce que tu pointes au niveau local, c'est intéressant parce que moi, je pense que j'ai écrit un bouquin il y a 2 ans qui s'appelle Écoarchie. Et là-dedans, je propose une organisation vraiment, enfin, de partir du local ou du territorial pour remonter ensuite au central. Et pas l'inverse, parce que l'État français est très centralisé et ça descend. Ce qu'il faut, c'est que ça remonte, en fait. C'est plutôt ça l'intérêt. Il faut inverser tout ça. Et je pense précisément que, quelque part, peut-être que aussi, l'urgence climatique, parce qu'on se dit, oui, il faudrait que les États se mettent d'accord entre eux, etc. C'est là que, le problème, c'est qu'au niveau étatique, on voit des chiffres, on voit des grands ensembles. On ne se rend pas forcément compte des réalités locales. Peut-être que aussi, tout ce changement interroge aussi la pérennité des États-nations face en fait à la crise climatique. Il ne faudrait pas d'autres organisations politiques radicalement différentes. Parce qu'au niveau, effectivement, on le voit toutes et tous, vous êtes sur des territoires différents. Souvent, c'est au niveau local qu'on voit des initiatives qui vont fleurir, avec des gens qui prennent en charge plusieurs choses, qui vont tenter des nouvelles cultures au niveau maraîcher, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qui se font, beaucoup plus en fait au niveau local qu'au niveau national en réalité. Et alors, au niveau national, c'est le législatif qui pourrait justement prendre le relais, mais on voit bien que les différents intérêts font qu'il ne prend pas ce relais-là. Donc, je pense que quelque part aussi, et c'est peut-être aussi ça qui est intéressant pour l'évolution de la vie politique des démocraties en tout cas, c'est qu'à chaque fois qu'on a des luttes, justement, je pense aux méga-bassines des Deux-Sèvres, c'est le local en fait qui se révolte contre quelque chose qui est imposé au niveau national. C'est souvent le cas en fait, en France de plus en plus. Là, ça donne Notre-Dame-des-Landes. Enfin, on peut citer plein d'exemples comme ça, ou des constructions d'autoroutes, d'extensions d'autoroutes. Bon. Ça veut dire qu'en fait, le local a besoin de reprendre le contrôle sur sa vie, sur ce qu'il voit en fait, sur ce qu'on voit au niveau de la disparition de la biodiversité, de l'artificialisation des sols, de plein de choses comme ça. Et c'est là que se jouent les enjeux. Il faudrait que le national, le central, soit au service du local et pas l'inverse. Et que dans ce cas-là, les politiques de santé, d'éducation ou d'énergie soient au service des besoins et des demandes locales. Donc ça demanderait aussi d'inverser la tendance et de donner plus de poids politique au local. Et c'est peut-être là que ça doit se jouer justement. Ton exemple est juste, puisqu'effectivement, quand on voit les élections locales par rapport aux mairies écolo, notamment sur les municipales, ben on voit que cet essai n'a pas été transformé du tout et que peut-être que comment dire, la manière dont on vote ensuite au niveau national fait que on change de prisme en tant que citoyen et on hiérarchise pas les sujets de la même manière. Et ce qui fait qu'on a ce type de résultat électoral, malgré la déception de la Convention citoyenne pour le climat lors du premier mandat d'Emmanuel Macron en plus. Bon, donc c'est compliqué. Alors, il y a d'autres raisons, je pense aussi, qui ont fait que à gauche, le paysage est assez morcelé, éclaté. Il y a des gens qui peuvent voter pour un parti, pas pour un autre, pour plein de raisons. Donc bon, c'est plus complexe. Mais effectivement, ça demande à repenser peut-être là aussi jusqu'à l'organisation même d'un État. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi. Oui, il y a le concept de biorégion qui monte un peu là et qui vient justement questionner cette territorialisation des réalités en fait, hein, Tout à fait. culturelles, géographiques, etc., etc. Et je pense que ça peut être quelque chose à creuser si vous ne le connaissez pas encore. Totalement. Je reboucle la boucle. Tu parlais de rêves alternatifs. Est-ce que toi, tu en as identifié justement des rêves alternatifs? Alors peut-être que pour l'instant, ils sont parcellaires, peut-être qu'ils sont en construction, peut-être qu'ils sont hyper localisés et peut-être qu'ils ne prendront pas d'autres échelles d'ailleurs, mais est-ce que il y a des rêves alternatifs que tu as envie de nous partager et sur lesquels tu as déjà mis le doigt? Moi, j'observe en fait que, mais on le voit tous finalement, que le premier rêve, parce qu'en fait c'est quand même le plus important au final, c'est nourrir les êtres humains. Et parmi les premiers rêves, qui sont en fait des rêves très actifs, il y a celles et ceux qui vont se convertir à l'agriculture biologique, qui vont en fait se lancer en fait dans le maraîchage, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très concret. Et dans le rêve qui anime ça, c'est se nourrir sainement, se nourrir de manière digne, se nourrir de manière respectueuse de l'environnement. Ça, c'est un premier rêve. Et c'est un rêve de base sur la fameuse et très décriée pyramide de Maslow. Se nourrir, c'est quand même la base. Après, il y a des rêves aussi de démocratie locale. Alors, je pense par exemple déjà aux faire société, avec les tiers-lieux ou les écolieux qui vont comme ça se multiplier. Je pense à la maison glace. J'en fais un beaucoup si je regarde la vidéo plus tard. La maison glace, effectivement, dans le Morbihan, qui est donc sur la, qui sont à Gavre, en fait, qui est une presqu'île, qui va être en fait justement coupée du continent par la montée des eaux. Et donc, ça demande aussi d'imaginer la vie de manière totalement différente sur ce territoire-là. Donc, ces imaginaires, ils sont très locaux et très, très en lien avec le se nourrir, faire société ensemble. Et puis, il y a aussi des imaginaires un peu différents avec des mairies qui vont proposer des budgets participatifs, où là, en fait, justement, on va demander aux citoyens de l'implication. Ça, c'est aussi un imaginaire politique différent. Mais c'est souvent des petites choses comme ça, très simples, mais qui deviennent très importantes, qui deviennent incontournables pour la vie de dizaines, puis de centaines de gens. Puis au fur et à mesure, ça va être tache d'huile, ça inspire d'autres rêves, d'autres actions. Et je crois beaucoup dans ça au final. C'est que c'est pas suffisant, mais souvent, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des initiatives individuelles, ou bien de deux, trois personnes, qui vont après commencer à concerner des petits collectifs. Donc ça va vraiment donner des groupes qui vont ensuite agir. Et donc on change d'échelle, on monte en généralité petit à petit comme ça. Et voilà, ça je trouve ça très inspirant en fait. Ouais, et puis j'ai l'impression que ça fait aussi des filets de sécurité intéressants parce que en réalité, s'il y a quelques proactifs, il y a du coup pas mal de personnes qui auraient entendu parler de cette initiative. J'ai l'impression que j'aurais tendance à penser, ou je crois que non, en fait, je vais le dire même, j'ai l'espoir que aussi quand les secousses plus fortes interviendront, bah, on se dirait bah, au moment de se rattraper à des branches, on se dit bah tiens, ces branches-là existent et donc ça pourrait être l'occasion de justement faire changer d'échelle ces initiatives. En réalité, dans tout un tas d'histoires qu'on a autour de nous, pas si lointaines que ça, on a déjà ces valeurs, on a déjà ces transmissions, on a déjà ces idées phares. Il suffit d'ouvrir L'homme qui plantait des armes de Jean Giono et on a déjà des choses auxquelles on aurait envie, autour desquelles on aurait envie de se rassembler. Jusqu'à quel point, toi, tu as déjà questionné cette idée de nouveauté, d'innovation, d'apporter encore, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait pas de temps en temps ressortir, copier, s'inspirer des choses qui existent déjà? Ouais, bien sûr qu'il faut faire ça, il faut de tout. Le nouveau, c'est d'abord en fait de l'assemblage de choses qu'on connaît déjà en fait et d'expériences vécues. Donc c'est de toute façon le nouveau, ça n'est jamais que ça. C'est cette petite couche supplémentaire qui nous fait avancer. Je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses. D'abord, dans les contes, dans ces nouveaux récits. Enfin, non, je commence par un exemple. Il vous a pas échappé que dans les pays occidentaux, globalement, en tout cas le vieux continent et puis l'Amérique du Nord, les contes ont été disneyfiés. Donc, ce sont justement ont été récupérés par le modèle capitaliste et ont fini par servir le consumérisme. Enfin, moi j'ai des filles qui sont forcément, enfin forcément non, c'est qu'un peu con ce que je dis, mais elles ont une phase Reine des Neiges. Et il y avait des poupées Reine des Neiges, il y a plein de choses comme ça. Donc, ce marketing autour du conte, du coup, il existe aussi. Donc, le conte peut être facilement perverti par un système qui va utiliser en fait ces sources culturelles-là pour activer les imaginaires. Et comme les gens sont accros à ces imaginaires-là, ils vont tomber dans les travers du consumérisme. Alors même que peut-être que dans le conte ou dans l'histoire, il y a justement des valeurs très inverses à ce qu'ils sont en train de faire en termes d'actes de consommation. Premier élément. Deuxième élément, c'est que il y a une anthropologue américaine d'origine iranienne, je crois, qui s'appelle Seyla Ben Habib, qui a publié en 2002, ça date un peu, un bouquin qui s'appelle Claims of Culture, qui est un bouquin donc, en anglais. Et dans ce livre, elle développe la notion de toile de récit, toile narrative. Elle explique quelque chose que je trouve, moi, hyper inspirant, qui est le fait qu'on est au monde dans des toiles. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous sortez du ventre de votre mère, vous êtes dans cette toile de récit. Des récits qui nous dépassent, qui nous ont préexisté. Des récits de pays, des récits de régionaux, des récits familiaux, des récits sociaux, etc., culturels, etc., etc. Et donc, évidemment, ça veut dire qu'on est condamné à être dans cette toile. Et toute notre vie, on va bouger. Il y a des récits dont on va se détisser, parce qu'ils ne nous conviennent plus. Parfois, on va s'émanciper de ses parents, déjà. Et puis, on va faire de nouvelles rencontres, des rencontres amoureuses, donc on va aussi créer de nouveaux récits. Et donc, on sait faire. L'être humain est en capacité toujours de se défaire de narratifs et d'aller vers d'autres, d'en créer d'autres, de se tisser à d'autres narratifs. Ça, c'est faisable. Donc oui, il faut qu'on puisse aller vers ça. C'est extrêmement puissant et je pense que cette nouvelle toile de récit à inventer. Et justement, comme c'est une toile, c'est plusieurs endroits en même temps qui vont être concernés. C'est pour ça que je pense que cette constellation du local, cette constellation d'initiatives positives, elle peut être plus qu'inspirante, parce que être inspiré, c'est super, on est là, enfin, c'est génial, c'est trop bien, puis on peut passer à autre chose le lendemain, quoi. Il faut vraiment que ça permette de mettre en mouvement, mettre en action, en se disant, mais je veux participer, moi, je veux en faire partie de ce récit-là, je veux faire partie de cette famille-là. Je vais faire partie de cette société-là, en fait. Et donc, je vais m'y mettre. Et ça, quand on a compris ça, je pense qu'on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus vertueux. Donc, c'est pas simplement inspirer, c'est susciter des vocations et donner envie à des gens de faire partie de cette famille. Ça, c'est comme quand on était au collège ou au lycée plutôt, peut-être, ou à la fac. On voyait des gens trop cool et on voulait être pote avec eux, quoi. Et je pense qu'il y a un truc comme ça, il faut pouvoir susciter, je schématise évidemment grossièrement, mais susciter cette envie de faire partie de cette tribu-là, parce que c'est en écho avec nos valeurs, parce qu'on a envie d'agir aussi, parce qu'on se dit mais ça, c'est là que je veux être, c'est là qu'est ma place, c'est là que je joue un rôle. C'est ce que vous faites avec les 2030 Glorieuses, j'imagine, chacune et chacun, justement. Vous avez rejoint cette nébuleuse pour ça aussi, en partie. Et ça, c'est important de se sentir partie d'un collectif où on se dit j'appartiens à cette famille-là, j'appartiens à ce groupe-là. Et le sentiment d'appartenance chez l'être humain, c'est capital. C'est ce qui fait que on vote pour certaines politiques ou pour d'autres. C'est ce qui fait qu'on va d'un seul coup être contre les flux migratoires parce qu'on veut rester entre nous, parce qu'on s'appartient les uns les autres, ou au contraire s'ouvrir parce qu'on a envie que d'autres, enfin voilà, viennent partager ce creuset d'appartenance. Donc ça, c'est très très important. Et dans cette toile de récit, il y a dans les toiles, ce sont des liens d'appartenance qui vont construire nos identités, enfin, individuelles, collectives, etc. Donc là, il y a aussi quelque chose, je pense, à creuser qui peut être intéressant. Merci Albin. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!